Thank you. chercher dans le placard de Google. Basta. Ah tiens, tu vois, j'ai trouvé là. Alors, les accords, c'est... Si monsieur veut bien s'afficher. Ah mais c'est quoi ça? C'est les tablatures ça? Ah bah je joue pas comme il faut. Ah, je suis pas à la bonne tonalité, tu vois. Sinon autre chose. Un morceau de Jamiroquai, ouais, je vais regarder si c'est...